ceux qui aiment le shit gras. Un vicieux, un petit enculé, ça paye les poids de la PlayStation portable. Comme plus chien, un digging troué en bas de la gare à la vue sur les portables. Casier plat compliqué quand je voyage. Trafic de studio, j'ai pour port d'armes. J'ai des autographes à la donne, j'ai rien calé, me contrôle pas. Dans le père, seul argent m'a percé, je rêvais pas de percer, je voulais pas percer. Le JR, comme Disney, moi j'ai dealé avant de baiser. Je voulais la même paire de Nike que de Spi, la même voiture qu'il y a Doc à 2000. La même voiture qu'il y a Doc à 2000. J'allais au foot d'un sale, moi chercher des Yankees. Tu suces, tu baisses, sinon tu sors, on te fait pas la cour. La school, rec, ça rentre tous les jours, sur l'air, il y a roule, qui les roule. C'est de son chevaux, je te le dis, là c'est pas fait, fait c'est au dit. Minimum des 8, minimum 20 de mes 18. Il y a de l'amnésie, la tâche de la belle dia. Il y a de l'amnésie, pour ceux qui se la jouent rasta. Il y a de l'amnésie, la tâche de la belle dia. Tâche de la belle dia, pour ceux qui aiment le shit gras. Moi j'en fais la taille de la pipe à ton papier. En décollant, j'ai laissé que le papier que. La baie jusqu'au filtre, ça pas va se goûter si j'ai pas mon briquet. Regarde là où j'en suis, je peux même plus douter. Même si le cœur d'entre eux qu'à porter l'œil si. On vient de t'abattre, c'est pas pour dépenser, c'est pour récupérer une piste à gros. Je suis dans la kitchen, j'ai mal à l'épaule. Une heure à kilo, ça pue la queue trop. Le rare à deux bucques, commence à te gourner. Les os à d'un pécho, terrain de bucques. Y'a que de la bocotte, et pour les sacottes. Des bottes et des grinders, que pour les sacottes. La plupart du temps quand, à